La voix, cassée par l'âge, le tabac et les émotions, était douce et presque hypnotique. Il m'est plus facile de commencer par mon propre commencement, car j'ignore le vrai début de la dissidence. J'ai pris le train en marche, comme toi, comme tous les autres. L'histoire qui circule est toujours altérée. Elle perd un peu de son objectivité dans chaque bouche, et nous arrive plus fausse que vraie. Toujours est-il que j'avais une trentaine d'années, et que je vivais depuis longtemps déjà dans une réclusion complète. Je ne sais pas ce qui fut premier chez moi, du dégoût du monde ou de la soif d'information. Ce dégoût et cette soif se sont toujours nourris l'un l'autre, d'ailleurs, et sont peut-être indissociables. Je n'avais pas aimé, je n'avais pas vécu. J'étais alors un de ces monstres issus de l'ère de l'information, dont l'horizon se mesure à la diagonale d'un écran. Mais je ne regrette rien, car cette monstruosité a été mon bien le plus précieux. J'éprouvais un tel désintérêt pour le monde réel que j'ai fouillé le réseau sans cesse, sans but, sans raison, pendant presque 10 ans. J'en cherchais les raccourcis, les régions, j'en explorais les recoins les plus inusités qui auraient rebuté n'importe quel être sensé. C'était de la folie, sans doute, mais alors c'est ma folie qui m'a finalement sauvé, car sans elle, je n'aurais pas gaspillé ces milliers d'heures à glaner des informations sans queue ni tête, et si je ne l'avais pas fait, c'est le sens de ma vie que je n'aurais pas trouvé. L'idée de découvrir quelque chose était évidemment toujours présente, mais je ne cherchais rien de spécial au début. Ce n'est que petit à petit que j'ai caressé l'idée d'une organisation virtuelle, et que ses probabilités d'existence m'ont paru de plus en plus fortes. Il me paraissait impossible qu'il n'y ait pas, ailleurs, des gens comme moi, qui cherchaient à se réunir. Je crois que cette quête éperdue était, dans mon infirmité à aimer dans le monde réel, une simple quête de l'autre. Je ne me souviens pas des premiers signes. Mon cerveau stockait passivement tant de choses, tant de données incompréhensibles, que je ne pouvais pas avoir conscience de toutes les connexions que je faisais. J'étais la plupart du temps dans une sorte d'état second. Je me laissais diriger par mon intuition, sans savoir de quel souvenir, de quelle synapse elle provenait. Je me souviens seulement qu'au cours d'une de mes promenades, c'est ainsi que j'appelais mes interminables séances, je me suis rendu compte que je revenais toujours au même site, qui n'avait pourtant aucune raison objective de retenir mon attention, et j'ai tenté de réfléchir. Mon cerveau, plus intelligent que moi, ou du moins plus systématique, avait sans doute repéré quelque chose qui m'échappait encore, et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête de passer tout le temps qu'il me faudrait pour éclaircir cette manifestation de mon propre esprit. Je partais du postulat que rien n'arrive par hasard, et que si mon intuition me ramenait sans cesse à ces sites, c'est qu'ils présentaient, au-delà des apparences, un point commun formel, une similitude de nature à frapper un cerveau habituel, aléatoire et anarchique diversité du réseau. C'était un pari hasardeux, mais je n'avais que du temps à perdre, et mon temps était vide. J'ai donc consacré mes heures, à partir de là, à essayer de trouver la relation qui devait exister entre ces bases de données. Serena l'écoutait et le regardait, émerveillé. Il sourit. C'était un code. Les sites contenaient des données rajoutées, qui ressemblaient, à première vue, à celles dans lesquelles on les avait fondues. Mais elles étaient rédigées dans le même langage chiffré. Je les ai isolées, réunies, et j'ai cessé pendant plusieurs semaines de me connecter au réseau parce que je n'avais plus qu'une seule idée en tête, une seule fièvre, trouver le code, déchiffrer, comprendre ce langage afin de pouvoir l'utiliser moi-même. C'est comme ça que tout a commencé. « Je me rends compte, » dit Serena, « de la peine que vous m'épargnez. On entre en dissidence comme on peut, par hasard, le plus souvent. Ça n'a pas d'importance. » « Laissez-moi continuer. Vous avez réussi à déchiffrer les messages, vous avez compris que vous aviez mis la main sur cette organisation virtuelle dont vous rêviez, et vous y avez pénétré. C'est à peu près ça. Et après ?» Léandri s'était raidi dans le fauteuil, et fit signe à Serena de se taire. Ils se trouvaient au premier étage de la villa, et les bruissements du jardin leur parvenaient confusément. Serena n'avait rien entendu. « On dirait que tu as de la visite, » dit-il d'un air soucieux. « Tu es en Brugge ?» Serena se leva pour aller à la fenêtre. « Non, bien sûr que non. » Des pas discrets étaient maintenant clairement discernables parmi le clapotis de l'eau et le chant irrégulier des oiseaux. Et Serena songea que Léandri avait repéré le bruit, malgré son âge, quelques dizaines de secondes avant elle. Elle sortit sur le balcon, et Melchior eut à sa vie une incontrôlable poussée d'adrénaline. « Serena » cria-t-il. Elle avait, en apparaissant sur le balcon, les yeux inquiets qu'il lui connaissait déjà. Elle fut, l'espace de ce regard, tout entière tournée vers l'extérieur, au-delà d'elle-même, dans un oubli de soi qui lui valait, aux yeux de Melchior, un incomparable supplément de beauté. « Bonjour, » dit-elle en souriant mécaniquement. « Vous venez me voir ?» Melchior eut un petit rire. « Il me paraît difficile de prétendre que je vous croise par hasard alors que je suis dans votre jardin, » dit-il. Elle eut un sourire plus détendu. « Montez, nous sommes là-haut, la porte doit être ouverte. » Melchior la remercia et traversa le hall du rez-de-chaussée. Il y avait dans le jardin et dans la villa une atmosphère harmonieuse et rassurante, très différente de celle qui régnait au palais ou au manoir. La taille plus humaine de l'édifice y contribuait sans doute, mais pas autant que l'âme subtile qu'on sentait derrière la disposition des détails et de l'ensemble. Il se dégageait, en fait, de la maison, la grâce calme et la sensualité un peu triste qui émanait de la personne même de Serena. Elle l'attendait en haut de l'escalier, et il sentit à son imperceptible froideur qu'il les dérangeait et qu'elle ne le retiendrait pas. Il pensa à lui dire « Bonjour, ma sœur veut séduire votre amant » et eut un sourire involontaire. « Vous connaissez Léandri, je crois » dit-elle en s'effaçant. Le vieil homme se levait avec difficulté d'un fauteuil profond. « Ne vous dérangez pas, je vous en prie » dit Melchior. « Je suis désolé de vous déranger. »« Vous ne nous dérangez pas » dit Serena poliment. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Non, je vous remercie. » En fait, je venais vous faire part d'une invitation. Ma sœur et moi-même aimerions vous recevoir à dîner demain soir avec Brugge. Bien sûr, dit-il en se tournant vers Landry, vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. Le vieillard l'observait avec une acuité qui n'était pas justifiée par la situation. Vous êtes très aimable, Melchior, dit-il en appuyant la prononciation de son nom, mais je crois deviner que vous enfreindriez des ordres en me recevant chez vous. Serena parut surprise. Et Melchior ne sut tout d'abord que répondre. « En effet, » finit-il par dire laconiquement. « C'est un sujet de conversation un peu glissant pour une entrée en matière, » remarqua Serena d'un ton léger. Melchior sourit. « Puis-je compter sur votre présence ?»« Sur la mienne, oui. J'évite en général de prendre les décisions à la place de Brugge, mais je lui transmettrai l'invitation et je suppose qu'il sera ravi. »« Très bien, » dit Melchior. « Dans ce cas, si vous le permettez, » « Je ne vais pas rester plus longtemps. Vous devez avoir des choses à vous dire. » Léandri tout sauta. « Nous avons tous des choses à nous dire, Melchior, » dit-il d'un ton légèrement provocateur. Melchior, qui se dirigeait vers l'escalier, se retourna et s'inclina. « Non, » corrigea-t-il en souriant, « ce que nous avons tous, ce sont des choses à ne surtout pas nous dire. » Léandri éclata de rire. « Au revoir, monsieur, » dit Melchior, en appuyant la prononciation de cette appellation excessivement distante, mais toujours souriant. Serena eut un rire amusé et lui tendit la main sur laquelle scintillait une multitude de bagues. « À demain soir, » dit-elle, « à demain soir. » Il garda du contact de sa main une impression de délicatesse qui le hanta pendant plusieurs minutes sur le chemin du retour.